assise là, qu'à garder c'est toi qui cabriais subitement la nostalgie envahie en moi. Là, là, en pas moi, pour tu peux pas dire moi qui va mémoire. Valeur du serment éternel, que dis-moi la vie trop belle. Et si ni des mots qui gavent.